N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey, je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête.